Bionic avec Black Blood, nouvelle entrée en 15e position anglophone. Et juste avant, c'était Johnny 5 avec Aimer être con, aussi une nouvelle entrée en 15e position. On est rendu à nos 14e position des palmarès, c'est bouh! C'est l'Halloween. Oui. C'est beau! Hey, je veux des bonbons. Ah, moi aussi! On mange des bonbons pendant l'émission, tout le long, on mange oui, des bonbons. On se fait des caries. Oui, on se les caresse par salazin. Non. Une autre fois, peut-être. Putain. 14e position du côté anglophone, c'est Coheed and Cambria avec The Running Free, mais avant. Bonjour Brumaire avec Argelès. Bien hâte d'entendre ça. Moi aussi, ça vraiment m'intrigue. Je pense qu'on fait pas la liaison quand il y a un H en français. J'ai bien hâte. Bien hâte. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est une référence comme ça, t'sais. C'est l'émission qui a aucun sens, okay, mais qui s'amuse là-dedans. Car chaque fois qu'on lève les yeux au ciel, car chaque fois qu'il passe par la fenêtre, c'est un peu grâce à toi, c'est un peu grâce à toi. Comme bon lui semble, apprends-moi à ne plus 14e position anglophone, une nouvelle entrée pour Coheed and Cambria avec The Running Free de leur album No World for Tomorrow. Et du côté francophone, on avait Bonjour Brumaire avec Argelès. Absolument, c'est vrai. 14e position, c'est deux, on a fait nos nouvelles entrées, c'est fait. Et voilà. On a essayé d'acheter des bonbons aussi. Oui, c'est ça, on a des bonbons en studio, c'est le fun. On a du chocolat. C'est quoi, des petites peanuts? C'est des amandes qu'il y a là-dedans? Ouais. Dur à dire, oui. Hein, je sais pas. Attends, on va goûter un petit peu. Ouais. Amandes, je pense. L'autre, c'est des framboises en jujube. Ouais. C'est le fun, hein? C'est l'Halloween, là. Même au palmarès, c'est bouh! C'est comme ça qu'on les appelle pour l'occasion, tu sais. Avec Virginie Cossette. Hein? Et Mathieu Plante. On pourrait se donner des noms de personnages pour l'émission de ce soir, je pense. On est déjà déguisé pour la radio. Mais oui. T'es déguisé en... En feu clochette. Bien sûr, et moi, je suis déguisé en... Gilligan. Gilligan. Oh, Superman, Super Gilligan. C'est comme c'est un Gilligan qui vole. J'aurais pu sauver plus facilement l'île si ça avait été fait comme ça. Je serais pas resté aussi longtemps sur l'île. Voilà. On saute par-dessus les positions 13, 12 et 11. On va les nommer du côté anglophone. C'est Hot Springs avec Head Rush qui descend d'un coup sec de la 4e à la 13e. En 12e position, ça remonte de deux places. C'était une nouvelle entrée la semaine dernière de Monsterine Republic avec Compliance. Et en 11e, montée d'une place, c'était aussi une nouvelle entrée la semaine dernière pour Teether avec Better Friends Than Lovers. Du côté francophone, en 13e position, ça reste stable encore. Colette avec Soap Opera. En 12e position, qui était en 9e malheureusement la semaine passée, qui descend quand même de 3 places. Olinéa avec Les Hostilités. Et en 11e, qui remonte, qui était en 14e position la semaine passée, Téléphérique avec À Distance. Voilà, tous de très très bons groupes, toutes de très bonnes pièces, mais malheureusement, on saute directement à nos numéros 10. Du côté anglophone, c'est The Details avec Reunion Souvenirs qui descend de la 5e. Mais avant... Les Fanfares de l'Est. Oh, avec... ça va bien, eux. C'est le bord de la rivière. Yeah! En cette belle soirée, je tiens à vous dédier un beau grand moment d'une rare intensité. C'est sur le bord de la rivière, en plein mois de janvier. Assis sur le bord de la rivière, en train de prendre ma grosse bière. Une idée folle en plein hiver. Il faisait pas chaud, mais je pouvais relaxer. Ce qui était bien le fun, c'est qu'il n'y avait pas de danger. Tous ces policiers m'empêchent, je de consommer. Hey, hey, hey, hey, hey. Mon but ce soir-là, c'était pas m'engourdir. C'était de ma tête de faire sortir quelque chose d'inspirant à vous dire. Hey, hey, hey, hey, hey. J'arrivais pas me concentrer. Les pieds dans la neige, moi je rêvais l'été. J'vais pas me réveiller avant le mois de mai. Qui chantent des chansons, des écureuils qui s'inventent des danses. Ma guitare, le beau gazon vert et le doux ruissellement de la rivière. J'avais pas tout, tout saisi. S'il venait de sa voiture dans mon esprit, chose était sur ma bière, était finie. Fallait que je fasse plus de câble de part dans le chef. Très bien qu'il fermait à 11h, chanter à mon monté. Une de ces douleurs. Ah, ah, ah, ah, ah. Tombé nez à nez avec notre trottoir. On montait dans la page, je voyais plus rien que du noir aussi. Radical qu'un bon coup de bord de pas. Ah, ah, ah, ah, ah. J'ai vu des étoiles, y'en a mille filantes. J'en ai donc profité pour un petit peu et ben, ça a marché. Que j'étais en pleine, pleine commotion. Au retour, The Details, le Husky et Invisible Man au palmarès, c'est bouh. On continue les palmarès, c'est fou, avec la position numéro 10 anglophone. The Details, avec... Life on Earth. Non. Reunion Souvenir. Au palmarès, c'est bouh. C'est n'importe quoi. Draw a distance, draw a border, it's just another barricade. With these connection rates, it's too easy to separate. And every time I see you, I can lose that. Your accent has changed, and there's nothing in this distance that I fear. Cause there's one thing that will draw us all back here. Union souvenirs. Anglophone, vous écoutez l'émission la plus décousue des ondes, les palmarès, c'est bouh. Leur album s'appelle Draw a Distance, Draw a Border. On y va en 9e? Juste avant, c'était du côté francophone. C'était les Swampards de l'Est avec sur le bord de la rivière, juste pour ceux qui veulent suivre avec nous à la maison. Remontée de 5 places. Contrairement à nous en studio, qui ne suivons pas du tout. Et on s'amuse quand même, on écoute de la bonne musique, on mange des framboises en bonbons parce que c'est l'Halloween, ou le chocolat aussi. Avec le... On a appris des amandes à l'intérieur. On regarde sur Internet, on cherche des informations, hein, tout ça, puis on vous donne ça en contenu condensé. C'est... Ouais. Avant de continuer, tiens. Tournons notre page. Gling, gling, gling, parce que je suis la fée clochette. C'est vrai que t'es la fée clochette, c'est ça. Beau pas suivre, t'es quand même la fée clochette. Quand même. C'est moi qui dois lui dire quand passe sa cloche, tu sais, puis regarde pas rapport. Elle est comme un assistant, genre. Donc, pour ceux qui sont pas au courant, les palmarès, c'est bouh, c'est plus qu'un palmarès de top 15 francophones et un top 15 anglophones. C'est aussi le top 10 électronique, le top 10 loud, le top 3 des disques canadiens et le top 30 des albums. En effet. Et on commence par le top 10 électronique, les nouvelles entrées, Virginie. En 7e position, on a The Dream Side avec The 13 Chapter. Ouais, disons-le comme ça. En 6e, on a Parawan avec Epiphany. Et en 4e, Hills avec Everybody Need a Shrink. Burn Again. En 3e position, montée d'une place pour Bittersweet avec The Remix Game. En 2e, c'est la compilation d'artistes variés Cinematic Classic Film Music Remix, qui m'a l'air assez intriguant. C'est une compilation de remix de musique de film. Et en première position, c'est stable. Pour la 5e semaine sur le palmarès, c'est Mind in a Box avec Crossroads. Le top 10 des albums loud, nouvelles entrées. Encore 3 nouvelles entrées. En 10e position, on a L'Esprit du Clan avec Chapitre 3, Corpus Delicti. En 9e position, Paroxysme avec Scars of the Heart. Et en 8e position, c'est une compilation. D'une compilation de Trois-Rivières Metal Fest 2007. C'est dur, hein? Pas facile, les c'est chiffres romains. Non, ils nous enseignent plus ça, je pense. Est-ce qu'ils me l'enseignent encore? Je pense pas. Mais je suis pas sûr, il me semble que j'ai appris ça, moi. Ben oui, mais ça fait très longtemps. Ouais, c'est ça. En tout cas. Troisième position, montée d'une place pour Ashes of Eden avec The Human Condition. En deuxième, c'est l'ancien numéro 1 Nightwish avec Dark Passion Play. Et en première position, montée d'une place pour Iced Earth avec Framing Armageddon. Voilà donc, ça c'est le top 10 électronique et le top 10 loud. Plus tard, on fera le top 3 des disques canadiens et quoi donc? Et le top 30 des albums. C'est ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me confirme. On me confirme. On fera ça plus tard. Avec, entre autres, d'autres affaires aussi. On a des choses prévues pour vous. On n'en parlera pas évidemment d'avance parce que ça pourrait ne pas arriver, mais on a des petites surprises pour vous d'ici la fin de l'émission. On aime ça, les surprises. Assez intéressant. On continue avec la position numéro 9 anglophone qui est Invisible Man et Life on Earth, mais avant, David Bowie avec le Husky. Ouh! Au palmarès, c'est beau! 89 FM dans vos oreilles! Dans les rues, donne-moi un marteau. J'm'en vais me construire un bateau. Avant de m'en aller, avant de tout quitter, avant d'abandonner, j'veux savoir pourquoi mon estomac ressemble à Hiroshima. démentiel. Invisible Man avec Life on Earth en 9e position anglophone. Ça monte d'une seule place, ça va très tranquillement, ça se rendra pas loin, j'ai bien l'impression. Non, j'ai l'impression non plus. Dommage. Que... Mais bon, du côté francophone, on avait David Bowie avec le Husky qui remonte d'une place. C'est quand même pas si peu. Mais en même temps, on regarde des deux bars, les deux ont monté du même nombre de places en le même nombre de semaines. Ça s'annonce peut-être mal pour le Husky aussi. Hein. Peut-être. Ça, c'est dommage. Ça va peut-être changer à travers les semaines, mais qu'est-ce qu'on en sait en les palmarès? C'est fou, c'est tellement fébrile. Oh! Synonyme de fébrile. Sensible. Sensible. Je sais pas. Rayé pour son plaisir. Prochain. Prochain palmarès. Regardons un petit peu, encore une fois, sur notre autre feuille. Parce que, ceux qui suivent pas, les palmarès, c'est fou, c'est autre chose qu'un top 15 franco et un top 15 anglo. C'est aussi le top électronique qu'on a fait tantôt, le top 10 loud, même chose. On est rendu au top 3 des disques canadiens. Nouvelles entrées. En troisième position, on retrouve The Paperbacks avec An Illusion Against Death. Et en deuxième, c'est Stars avec In Our Bedroom After the War. Un excellent album, d'ailleurs. Très bon. Et en première position, c'est stable encore pour une troisième semaine, Steve Hill avec Devil at My Heels. Du côté du top 30 des albums, on va se partager un peu ça. La 30e position, c'est une nouvelle entrée pour Kyoto's avec Bone Palace Ballet. En 15e, c'est Bionic avec Black Blood. Et en 14e, c'est Coheed and Cambria avec No World for Tomorrow. En 3e position, on a Stars avec In Our Bedroom After the War. Encore. Encore, et on est heureux. En 2e, Galactic avec From the Corner to the Block. Et en 1e, Steve Hill, Devil at My Heels. Voilà qui fait le tour de ce qui se passe ailleurs dans les palmarès. On revient à notre première page. Gling, gling, gling. On est rendu à nos positions numéro 8. Du côté anglophone, c'est The Setting Sun avec Running Demons qui monte de la 13e, donc 5 positions vers le haut. C'est une nouvelle entrée la semaine dernière. En effet, puis c'est un très bon saut pour The Setting Sun, on s'entend. Là. Si ça monte aussi vite, ça risque de monter encore. C'est très bon, hein? Est-ce que tu te rappelles, ça là? C'est comme plus psychédélique. Oui, un j'ai peu. Bien c'est aimé The Setting Sun. Ouais. Et en 8e, du côté francophone, on a We Are Wolves avec Magic. C'est magique, c'est que c'est sûrement des magiciens. Parce que c'est l'Halloween. Les palmarès, c'est beau. Magicien, si c'est magique, c'est que c'est seulement des magiciens. Si c'est c'est un sac magique, c'est sûrement des magiciens qui font, hein. The Setting Sun avec Running Demons au palmarès. C'est Bouh! En position numéro 8 à Anglophone. C'est leur album éponyme. Et puis, c'était une nouvelle entrée en 13e position la semaine dernière. Mais juste avant, on a eu We Are Wolves avec Magic, qui est passé quand même de la 2e position à la 8e. Est-ce que je me trompe ou ça s'est pas rendu jusqu'au numéro 1? En tout cas, ça l'a été, ça a été là juste une semaine et ça a redescendu assez vite. C'est dommage un peu. Il me semble que ça ne se soit pas rendu en première position. Pièce extrêmement accrocheuse que j'ai souvent dans la tête. Et moi j'en aussi. Parle souvent. Il me semble que je suis en train de plugger ça. C'est magique. C'est vraiment génial comme chanson. Oui. J'espère qu'on va en voir d'autres de We Are Wolves. Nous sommes loups bientôt dans les panneaux. On est rendu aux positions numéro 7. Les choses avancent très vite. C'est déjà presque la fin de la première heure. Croyez-le ou non. Croyez-le ou non. Ça passe vite. On pourrait le croire, dans le fond, parce que c'est vrai. Ouais. Parce que c'est fou, c'est que la vérité. Ben, c'est fou, c'est la vérité. La vérité, c'est fou. La vie, c'est loser. Loser, c'est la vie. Nous autres, on est pas mal assez fous. Un peu comme ça. Vive les associations. Vive les affaires qui ont pas rapport, mais qui nous font bien rire, nous. Donc, on espère que vous nous suivez dans nos espèces de conneries de malades. Voilà. Et voilà. C'est comme ça qu'on dit ça. Oh, on s'y est pas partout. À part nous deux. Ouais, et voilà. La main, au moins. La main. On est rendu, oui, incroyable. On est rendu au numéro 7 du côté anglophone. C'est Winter Sleep avec la pièce Archaeologist qui est une nouvelle entrée en 15e position la semaine dernière. Mais avant, El Motor avec Alinea. El Motor. Au palmarès, c'est Bourr. J'ai réussi à faire rouler mes airs dans un mot qui n'avait même pas de air dans le fond. Ça. Bravo. Bravo. Autant vous dire n'importe quoi. Dire ce que vous savez déjà. Autant se faire vider la tête par une épidémie de verre. We'll be right back. Alinéa de la formation El Motor en 7e position francophone. On s'en va entendre la 7e anglophone. Winter Sleep avec Archaeologist. Et ça commence doucement. On est zen. Oh! Oh! On se réveille. C'est les palmarès, c'est boum! Première heure des palmarès, c'est fou. Faisons un petit récapitulatif de ce qu'on a entendu depuis le début. Allons-y. Du côté francophone, de la 15e à la 7e position, Virginie. J'y vais. En 15e, on avait Aimé être con de Johnny 5. En 14, Argelès de Bonjour Brumaire. En 13e, qu'on a sauté, Soap Opéra de Colette. En 12e, qu'on a aussi sauté, Les Hostilités de Olinéa. Et la dernière, qu'on a passée, la 11e, À distance du téléphérique. En 10e position, on avait Sur le bord de la rivière, Le soir en part de l'Est. En 9e, David Bowie avec le Husky. Et en 8e, qui a chuté, malheureusement, Magique de We Are Wolves. Et voilà. Et puis après ça, on a entendu Alinéa del Motor. Bon, ça, on vient juste de le dire. C'est ça. En 15e anglophone, Bionic avec Black Blood. En 14e, une autre nouvelle entrée de Running Free avec la formation Coheed and Cambria. En 13e, Hot Springs Head Rush. En 12e, Compliance de The Most Serene Republic. En 11e, Teether de Better Friends Than Lovers. En 10e, Reunion Souvenirs de The Details. En 9e, Invisible Man avec Life on Earth. En 8e, The Setting Sun avec Running Demons. Et on vient d'entendre Winter Sleep avec Archaeologists. Ça en fait des choses dans votre petite tête, ça, hein? Mourage de crâne. Dans la deuxième heure, vous allez entendre des artistes tous plus excellents que les uns que les autres. N'est-ce pas? En effet. Du côté francophone, on va entendre Truco Machine. Major Bidet. DJ Matan de Frac. Alex Champigny, si vous êtes fin. Si vous êtes fin, juste ça, sinon on le coupe. Du côté anglophone, peut-être un petit peu de Stars, de Steve Hill, de Galactic, de The Answer et même Interpol. OK. OK. Ça, c'est dans la deuxième heure des Palmarès C'est fou au 89.1 FM. Restez avec nous. Oui. Directement des studios de C'est fou à Trois-Rivières, c'est les palmarès C'est fou! Bonjour, c'est la deuxième heure des palmarès, c'est bouh pour la semaine du 26 octobre au 1er novembre 2007. D'ailleurs, on a demandé au band qui a fait la musique thème de les refaire avec des voix de fantômes monstrueuses comme ça. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Virginie Cossette. Et dans cette deuxième heure, ça va être les positions 6 à 1. Wow. Mm-hmm. Et on va avoir des belles petites surprises pour vous d'ici la fin de l'émission. C'est ce qui est prévu, on a plein de choses. Et mais on va aussi entendre de la musique. Hein. Aussi. C'est quand même le but des palmarès, c'est fou. Oui. Il me semble. Ben, aux dernières nouvelles. Aux dernières nouvelles. Avant qu'on ait changé de concept comme ça en cours de route. Du côté anglophone, la sixième position est occupée par The Paperback. C'est Hesitation Mark qui était une nouvelle entrée en 11e la semaine dernière. Et du côté francophone, Ne pleure pas avec Geneviève et Mathieu qui était en 7e la semaine passée. Et voici tout de suite au palmarès. C'est fou! Pourquoi je souris tout à coup, je pleure. On m'a peut-être fait quelque chose, c'est drôle, je ne m'en souviens pas. Ne pleure pas, le temps et le vent reviendra secouer mes mains si tièses. Ne pleure pas, amour et forêt sous les vents. Mélodie, ta mélodie. Je sais, je n'en veux pas de ce sentiment-là. Je sais, je ne ris pas souvent. Je vois des pipeaux blancs. Mélodie légendaire, j'aurais tant aimé qu'elle existe toujours en dehors de moi. C'est quand je la touche qu'elle apparaît. La mélodie. C'était la formation de Paperbacks avec Hesitation Marks en position numéro 6. C'était la 11e la semaine dernière. C'était une nouvelle entrée. C'était leur album An Illusion Against Death. Juste avant, on avait Geneviève et Mathieu avec Ne pleure pas. D'ailleurs, surprise, qui nous attend donc au téléphone? Quelle coïncidence extraordinaire, juste après une pièce de Geneviève et Mathieu, de recevoir Mathieu. Wow! Bonjour! Hey, allô, ça va bien? Ben, ça va bien, et toi? Ah, en pleine forme, c'est vendredi. Ben, c'est ça, exactement, c'est vendredi, on aime ça prendre ça cool un petit peu, hein? Et yeah. C'est ce qu'on fait. Donc, Geneviève et Mathieu, c'est une formation qui existe depuis quand même assez longtemps. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que c'est? Vous vous décrivez comment? Ben, Geneviève et Mathieu, on a commencé à faire la musique en 1999. On a sorti des albums. On est deux artistes en art visuel qui ont étudié en art visuel. Tranquillement, pas vite, on est dirigé vers la musique. Donc, c'est ça, Geneviève et Mathieu, ben, en musique, ben, on propose plusieurs costumes, des éléments très visuels. Ça fait théâtral, c'est ça? Oui, beaucoup théâtral. On intègre des moments aussi que... On dirait qu'à chaque spectacle, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. j'ai compris. En fait, j'ai écouté un petit peu que vous avez commencé avec un style un peu différent de ce que vous faites maintenant. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de la transition entre les deux styles? Au départ, quand on a commencé à réaliser des albums, le premier album Mélodie, on a beaucoup appris en le faisant. Donc, c'était beaucoup plus minimaliste, comme on dit. Guitare, voix, des chansons quand même assez comiques. Puis tranquillement, pas vite, bon, mais je pense que on nous a proposé de faire plusieurs spectacles. Donc, on a joué, puis tranquillement, pas vite, l'expérience est rentrée. Donc, si on veut, là, au niveau de, on était plus à l'aise musicalement. Donc, je pense que ça a transparé dans notre nouvel album, Rose Gorge. Mm-hmm. Est-ce que vous avez des amis qu'on pourrait connaître, disons, des groupes avec lesquels vous collaborez souvent? Des influences ou juste quelque chose de musical qui a rapport avec vous? Pour se faire une idée un peu. Collaborer avec les Gwen Wedd, qui étaient nos bons amis de Rouyn-Noranda. On a joué souvent avec eux autres. On a fait la première partie. Récemment, on a collaboré avec le clavieriste des Malajumes. Mm-hmm. Donc, c'est peut-être les groupes avec lesquels on a collaboré récemment. Puis Philippe B, qui est quand même aussi un membre de Gwen Wedd, qui a travaillé sur plusieurs de nos chansons. Mm-hmm. Et puis les influences, la musique que vous écoutez un peu? Ah ben là, ouais, c'est assez vaste. Hein? Ouais. Ça part de la chanson française de Gainsbourg à Ferré jusqu'à Catherine. Un spectacle de Geneviève et Mathieu, ça ressemble à quoi? Allô? Oui. Oui, excuse-moi, je crois qu'on s'est perdu momentanément. Un spectacle de Geneviève et Mathieu, vous faites des spectacles, j'imagine, au Québec, un peu partout. Est-ce qu'il y en a qui s'en viennent à Trois-Rivières bientôt? À Trois-Rivières, je sais pas, mais bientôt, on s'en va au coup de cœur francophone à Montréal dans le cadre d'un cabaret Les Amours. Donc, c'est tous des duos qui sont des couples dans la vie. Ça, c'est au Lion d'Or le 3 novembre. Et puis, je pense, on va à Victoriaville vendredi avant avec les Breastfeeders. Mais à Trois-Rivières, c'est sûr qu'on aimerait bien ça aller là. Puis, on a participé souvent au Festival de théâtre de rue de Shawinigan. Donc, c'est une région qu'on connaît bien, puis c'est sûr qu'on va aller vous voir. Ah, c'est vraiment intéressant, ça. Et la question que j'ai demandé avant qu'on soit un petit peu coupé, il y a un spectacle de Geneviève et Mathieu, ça ressemble à quoi sur scène? Oui, c'est fou. Geneviève est dans tous ses éclats. Allô, excuse-moi, je sais pas, j'ai comme l'impression qu'on te perd un peu, je parle. Mais c'est vraiment, vous faites du très très bon matériel qu'on aime beaucoup passer à C'est fou. Présentement, votre pièce Ne pleure pas est sur nos palmarès, on l'a fait jouer il y a quelques secondes. C'est quoi cette pièce-là pour toi? Est-ce que ça a une signification particulière? Ne pleure pas, c'est sûr que tous les albums de cet album-là, Rouge Gorge, dont Ne pleure pas, parlent beaucoup de moi, Geneviève, et de nos relations, comment qu'on s'aime. Donc, pour moi, toutes les chansons de l'album, dont Ne pleure pas, représentent ma relation avec Geneviève, mon amoureuse dans la vie. Oh, c'est beau, j'aime vraiment ça. Si les gens veulent en savoir plus sur votre couple, hein, sur votre groupe, comment est-ce qu'ils font? GenevièveetMathieu.ca. Et en plus, récemment, on a mis une petite vidéo maison qu'on a faite nous-mêmes en ligne avec la chanson Talon Aiguille. C'est très, très beau dans une installation de Geneviève. Non, mais vraiment, c'est très, très bon. J'aime oui, ça. Moi aussi. Merci beaucoup. C'était Mathieu de la formation Geneviève et Mathieu. Ben, merci à vous, puis je vous souhaite un excellent vendredi soir. Mais toi merci aussi. Beaucoup. Au revoir, bonne soirée. Merci, oui, c'est déjà commencé. Bye. OK, ciao. Donc, c'était Mathieu de la formation et du couple Geneviève et Mathieu. C'est beau. C'est beau. J'aime ça, ce qu'ils font. J'adore. C'est très, très bon. Faut écouter ça plus souvent. Faut se procurer l'album. Faut le mettre dans notre auto, sur notre ordinateur, partout. Ah, c'est génial. On s'en va entendre notre quatrième position du côté francophone. On s'en va entendre DJ... non, je crois qu'on est rendu à Major Bidet. Tout à fait. Cinquième position francophone, voici les mouches de Major Bidet à l'instant même. C'est la deuxième fois que tu m'oublies au coin d'une rue, que tu t'enfuis, que je deviens. Les saisons passent, le monde se tasse, le peu qui excite t'attire. Les mouches de vieux pain confit, une tranche de vie. Que tu gardes en paix et que tu sors pas. Que tu gardes en paix et que tu sors pas. Toutes les pilules dans tes bouteilles qui tiennent au chaud, qui te réveillent, qui oublient d'endormir ton cœur, qui oublient d'éteindre les voix qui disent quoi faire. Retour à l'hôpital, envoie ton prescrit. Major Bidet avec les mouches, la position numéro 5 francophone, remontée d'une place du côté anglophone. Tantôt, on va l'entendre, The Answer. Mais avant de l'entendre, The Answer... Encore une surprise! Une autre! On n'arrête plus aujourd'hui, ça pleut des surprises. Oh, on aime ça! C'est l'Halloween, c'est comme des bonbons là, qu'on reçoit. Oh non! Wow! Parce qu'on reçoit Alexandre Champigny qui s'en vient à Trois-Rivières dans quelques jours à peine. Bonsoir, Alexandre! Salut! Salut! Ça va? Ça va bien, vous? Très bien! Merci d'être avec nous, on est très heureux de t'avoir. Alright, ben oui, merci, c'est cool. Donc, Alexandre Champigny, il y a des gens qui te connaissent pas encore parce que, bon, on trouve depuis quelques semaines, tu es même pas mal haut dans les palmarès de C'est fou, si on peut s'exprimer ainsi. Et laissons-nous nous exprimer ainsi. C'est ça, c'est fait. Mais qu'est-ce que tu fais comme musique? Comment décris-tu ce que tu fais? Je pense que je fais des chansons, c'est de la chanson à la base, mélangée. Moi, j'ai toujours aimé la musique british, si tu veux. J'ai une attirance vers ça naturelle. Toute la tradition, en fait, à partir des Beatles jusqu'à Pink Floyd, jusqu'à plus récemment Stereolab et même Radiohead, tout ça. Fait que c'est sûr que ça, c'est des trucs que j'aime. Fait que je suis comme un peu pogné avec ces deux influences-là. De mon amour pour la chanson française et comme la chanson française comme Gainsbourg ou Brassens ou même Charlebois puis les trucs comme des trucs québécois. Fait que c'est un heureux mélange de tout ça, tu sais. J'essaie de faire des chansons qui sont personnelles puis qui intègrent un petit peu ces influences là qui font partie de moi depuis que je suis jeune. Wow, c'est vraiment très très varié, j'aime ça. J'ai lu que tu as fait des études en musique classique. Je me trompe pas. En passant, est-ce que le son est correct en ce moment pour vous? Oui, ça va bien. Nous, on t'entend. Ça se peut que tu me manques des fois. Ça se peut que tu rates le début de mes phrases. J'ai entendu dire que ça arrivait. C'est toutes sortes de bruits bizarres, mais en tout cas, je vais dealer avec ça. Puis pour te dire, la question... Excuse, répète la question une dernière fois. C'est pas grave. Je recommence. J'ai lu que tu avais fait des études en musique classique. C'est ça, oui. Classique et aussi jazz. J'ai étudié la guitare bebop, le classique. Super intéressant de rentrer dans ce monde-là. J'ai étudié ça à l'UQAM, puis je trippe aussi à des fois rentrer dans des symphonies, la façon que c'est construit, tout ça. J'achète des partitions de ça, puis je suis ça dans mon petit salon. J'adore ça. Oui, j'adore la musique classique aussi. Je suis un mélomane, en fait. Oui, ça paraît. Oui. Oui, c'est bien. Tu vas être en spectacle au Nord-Ouest Café le jeudi 1er novembre à 21h avec, entre autres, Jésus-Belge 400 livres. Ben, en fait, je dis entre autres, mais il va aussi y avoir Bio Bazar. C'est comment en spectacle, Alexandre Champigny? En fait, c'est super le fun parce que on prend les pièces. C'est un petit peu plus rock. Ça veut dire que il y a peut-être un petit côté un peu plus sale, un peu plus intense. Puis on improvise aussi. Mes musiciens, c'est des amis qu'on se connaît depuis super longtemps. Donc on improvise. On part dans des buzz souvent. Puis il y a des petites influences psychédéliques qui se mêlent à tout ça. Fait que des fois on est dans des ambiances très très planantes. Puis d'autres fois il y a des tunes qui rockent plus. Puis tout ça. Fait que on peut s'attendre à quelque chose comme ça. C'est les chansons de l'album. avec un petit peu d'improvisation autour de ça, puis des ambiances. Ouais, je pense que ça va être très, très bon. Et ça va très bien fitter aussi avec les premières parties J.S. Bench, 400 livres et Bio Bazar, qui sont dans le genre un petit peu ambiant, pop, rock. Ça devrait être le fun. Ça ouais. risque d'être assez excellent. Assez bon. Un ami qui s'appelle Jean-Philippe Trichette, qui participe à... Il fait son projet Navet Confi. En fait, c'est le Navet en personne. Ouais. Qui est guitariste dans le projet. Puis il amène vraiment une touche super intéressante. Il part avec des sons de feedback. C'est un spécialiste du bruitage, lui. Fait que c'est super trippant de l'avoir dans le band. Fait que j'adore cet aspect-là. On a bien hâte d'être là. Dans notre groupe, je trouve qu'il amène beaucoup. Puis chacun sa particularité, en fait. Mais featuring Navet Confi, c'est super le fun. Cool. Si les gens veulent en savoir plus sur Alexandre Champigny, il y a des façons sur Internet de se renseigner. Ouais, le MySpace, il est le fun. Il s'en vient de plus en plus étoffé. Là. J'ajoute des petites photos, des trucs, des infos. Puis il y a aussi un site web. Très beau site web, d'ailleurs, ouais. .com, là, dans le fond, c'est mon nom, hein, .com, où on peut voir un extrait de vidéo en show, le lancement, des petites nouvelles à gauche, à droite. Donc, je pense que c'est la compagnie 10 qui s'occupe de ça. Il ajoute toujours des informations un petit peu sur les trucs. Puis il y a le MySpace qui est un petit peu plus personnel, où c'est moi qui m'en occupe. OK. Et l'album s'appelle Bouddha Cinéro. Les gens peuvent se le procurer en ce moment même? Oui, c'est ça, c'est en magasin depuis le 5 septembre, donc c'est tout récent, premier album, puis ça se passe bien, c'est le fun. Super, mais merci beaucoup Alexandre Champigny d'avoir participé au Panorama C'est Fou. Merci. Merci, au revoir. À la prochaine, salut. À la prochaine, on va être au spectacle le jeudi 1er novembre 2007 à 21h au Nord-Ouest Café de Trois-Rivières, ça coûte 7$ et c'est présenté par C'est Fou. Merci. Donc, ben, regardez-moi ça, comment c'était bon ça. C'était excellent. Très, très J'ai bon. Vraiment très hâte de le voir en spectacle la semaine prochaine. Moi aussi, Alexandre Champigny, on va tous les deux être là. Oui. On va être les représentants de C'est Fou. On s'en va entendre l'autre côté de la cinquième position. C'est du côté anglophone, c'est The Answer. Avec voici. Into the Gutter. Tout de suite. Oh, palmarès. C'est beau. The Answer avec Into the Gutter en position numéro 5. Anglophone. Et juste avant? Ça change complètement de beat. Hein. Oui, quand même. Et... ouf, ouf. Je disais donc juste avant, Major Bidet avec les mouches. Ben oui. Ben c'était oui. Avant notre entrevue avec le célèbre Alexandre Champigny. Ah, que Virginie va sûrement manger. Elle aime tellement ça quand je fais ça, il est rendu couché sur la table. Bon, donc, changeons. C'est ça qu'elle a dit. C'est ça qu'elle a dit, ouais. Changeons de sujet pour regarder un petit peu les positions. Virginie, voyons, remets-toi en forme. On est live. Hein? Les 10 les plus vendus sur Nielsen Soundscan pour la semaine qui se termine le 25 octobre 2007. En 20e position, nouvelle entrée pour Thrice avec Alchemy Index. En 19e, c'est Julie Black avec Revival. Et en 18e, c'est Michael avec Il Tempo. 13e position, Santana avec Ultimate Santana, qui est aussi une nouvelle entrée. Et 11e, Jimmy Eat World avec Chase This Light. Top 5, nouvelle entrée en 5e pour Il y avait un jardin de Nathalie Sinard. Ah, en 4e position, Sylvain Cossette avec 70s, j'imagine. En 3e, James Blunt avec All the Lost Girls. En 2e, c'est une grosse remontée de 13 places pour Paul Potts avec One Chance. Et en première position, c'est stable pour Josh Groban avec Noel. Voilà. Côté des pièces les plus vendues sur Apple iTunes, en 5e position, on retrouve Alicia Keys avec No One. En 4e, Soulja Boy Tell Him avec Crank That. En 3e, c'est Colby Calacat. Okay, je montre que j'ai aucune idée. Là. Avec Bobby. En deuxième, c'est Timbaland avec Apologize. Et en première, c'est Chris Brown avec Kiss Kiss. On apprend des choses en ici. En effet. On est rendu aux positions numéro 4 du côté anglophone. On s'en va entendre à l'instant Interpol avec No Eye and Threesome. Et quand je dis à l'instant, je dis après la pièce qu'on s'en va entendre du côté francophone. De DJ Matan Frac, Lettre un Cowboy. Oh, c'est au palais, c'est fou! Avec mon cœur, ce soir ma vie n'a plus de chaleur, mes yeux n'ont plus la même couleur. Depuis que je t'ai dit bye bye, on dirait que ma vie déraille. Y'a rien qui plaît ou qui fait rire, la vie, j'ai pas envie de dormir. Mais quand tu penses, je ne pense pas. Les mots méchants et tout ça. Y'en a tellement dans une fille. Oh ouais, baby love, my love. Tu vois que tout est noir autour de toi. If you forget anything, I'll kill you. In fact, you're gonna have to work very hard to stay alive, Link. Non mais qu'est-ce qu'il dit celui-là? On comprend rien. Stay alive, Link. Oh non. Stay alive, Link. Oh non. Stay alive, Link. Reste avec moi. Ça donne des frissons sous la peau. Au fond comme des rodéos. Mais c'est moi qu'on prend au lasso. Ah baby love, my love. Tu me fais toujours rêver. Au retour, Interpol, les Dorothées et Stars. Où ça? Au palmarès. C'est fou. 89 ans, hein. Le jour se met de waouh, a dit cowboy, je t'aime encore. Bon, tu finis la crise de tourne, t'as marqué de part avec tout le corps, yes, tu finis, moi. Vous écoutez les palmarès, c'est fou, et tout de suite, voici le numéro 3 francophone, les Dorothées. Avec les putes de Paris. Oui. Il pleut des pluies

troisième position, Bitches in Tokyo de Stars. Absolument, ça c'est du côté anglophone. Leur album c'est In Our Bedroom After the War et c'est aussi, si je me rappelle bien, on en a parlé tantôt un petit peu, c'était le numéro 2 du top canadien et le numéro 3 du top des albums. Ça mérite sa place. Très, très bien pour eux. Du côté francophone, juste avant, c'était les Dorothées avec leur succès Les Putes de Paris. Troisième position franco, remontée d'une place. C'est un single de leur album à venir, je crois. Si je me rappelle bien, c'était pas sorti encore. Il me semble. Non, ça s'en vient très bientôt. Si je me rappelle bien, hein. En tout cas, tel que j'ai pas. On est déjà rendu à numéro 2. Les choses vont très, très vite. Hein. On est déjà presque rendu à la fin de notre palmarès de cette semaine du 26 octobre au 1er novembre 2007. Je vous rappelle, à la maison, vous soyez dans votre auto. Hein? Devant votre ordinateur. Devant votre ordinateur, sur Internet, au cif.ca. On peut écouter en direct sur le cif.ca, c'est vrai. En effet. Mais vous pouvez aller voir sur lunechance.com pour toutes les informations, tous les liens des artistes qu'on a eu en entrevue, des choses absolument pertinentes. Très beau site Internet. www.lunechance.com. Deuxième position anglophone, c'est Galactic avec What You Need. Et ça, c'était l'ancien numéro 1 la semaine dernière. Donc, on a un nouveau numéro 1 anglophone, mais c'est pas surprenant. Qu'est-ce qui nous attend? Mais tout de suite. Beau temps, mauvais temps avec Tricot Machine qui était aussi en première position la semaine passée. Oh, ça c'est triste. Mais c'est des nouvelles. Pas des nouvelles entrées, mais. Ouais, des nouveaux numéros 1. Je regarde le numéro 1 franco, là. C'est excitant, ça. Oui. Non, j'ai hâte d'entendre ça. En plus, on s'en rembraille, on fait ses dents. En courant, on se plante sur le ciment. Cherche le sens de la vie, laisse tomber, enlève tes petits trous dans si assez. La part une coupe d'année sur la dérape. On se calme trois cafés, puis on se rattrape. Si tu cherches la bougie d'allumage, viens mettre ton petit doigt dans l'engrenage. Jour après jour, on court après le temps. Le nez dans le vent, jour après jour. On se voit, on rêve, on jase, on se fait la cour. On s'aime, on doute, on casse, on se traîne en cours. La bourse peint la vie, je peigne les nerfs. Je vous ai dit de garder les mains en l'air. Les pieds dans mes pantoufles, j'ai perdu le rythme. Faites sur la bémoute, ça tourne trop vite. Après un bon pibon en purée, on creuse un petit trou, je suis expiré. Jour après jour, on court après le temps. Le nez dans le vent, jour après jour, beau temps, mauvais temps. Jour après jour, on court après le temps. Le nez dans le vent, jour après jour, beau temps, mauvais temps. Pounds and pounds. mamas. Oh, no credit, no credit, no pop. You'll be riding in style in a Honda lowrider in no time. No radio with no ties. It's just exposed wide for the ride so quiet. Yeah, no violence. I told y'all before, man. You break it, you buy. Come on, make me an offer, baby. Buy me out. On here from the corner, right here, right now. So what you need? What you need? You want it, baby? I got it. Okay, well, what we'll do is we'll just shrink down to large, you know what I mean? It'll be all good, no problem. How much you got on? That's enough. I got girls gone wild, cab drivers gone wild, the world gone wild, rabbis gone wild, president gone wild. But hey, then again, it's just reruns of OCNN. It's whatever y'all want, carte blanche, the vice president's book, called Memoirs of a Heartthrob. Oh, your favorite is the song, paperback. Hell no, you can't take it back. You said Betamax. Come on now, people, I gotta pay the rent. Paperclips, shady kids, raisinets, laser pens, bayonets, cigarettes, raiderettes, and vinaigrette. I got some cable nets made by kids in Bangladesh. Letters, numbers, color, shit, you can buy a bath. All on the corner, right here, right now. I take gold calls, chase calls, green calls, the race calls, and any legal tender with a white man in the center. You want it, baby, I got it. Galactic avec What You Need de leur album From the Corner to the Block. C'est l'ancien numéro 1 anglophone. Maintenant, c'est le numéro 2. Donc, c'était remplacé. C'est dommage. Mais il faut que ça reste sur les palmes. Oui, ça va rester sur les palmes encore un petit peu. Un petit bout. Au moins un petit bout. Mais vous allez voir tantôt que le numéro 1 anglophone est tout aussi bon. En effet. Justement, du côté francophone. Tricot Machine avec Beau Temps, Mauvais Temps. Aussi l'ancien numéro 1. Aussi l'ancien numéro 1 et aussi excellent que Galactic. Mm-hmm. Pas tout à fait dans le même genre, mais... Pas exactement, non. Pas tellement. On est déjà rendu à nos numéro 1. C'est presque la fin de l'émission de cette semaine. On s'en va entendre des choses qu'on mentionnera pas. On dit pas les noms à l'avance. Non. Évidemment, on garde un petit peu de suspense. Suspense, horreur. D'horreur. Halloween. Ouf. Oui, Halloween, comme tu sais, dans ton sac, là, dans ta citrouille, mettons, on donne des bonbons. Mais des fois, ça arrive qu'on donne des pommes. Mais je me demande si des fois, ça arrive que les gens donnent des champignons. Ça pourrait arriver. Ça pourrait arriver. Je pense que si tu... C'est une suggestion. Mange des champignons. Mais je fais des jeux de mots avec les numéros 1. Faut suivre un peu. OK. Je suis sûr que si tu mangeais les champignons que t'avais pour l'Halloween, tu te mettrais à halluciner ou peut-être à t'hypnotiser un peu avec ça, je pense. Puis là, sûrement que ça t'enverrait droit dans la lune. Oh! Hein, parce que ça, dans la lune, puis la NASA t'appellerait. Hein, puis là, tu irais faire un petit tour sur une montagne avec Steve. Je sais pas. Tu sais, j'adore tes jeux de mots. Merci. Je me suis forcé pour ce coup-là. C'était pas super, ça. Ça voici mon numéro 1, vous écoutez les palmarès, c'est fou! 89, ouais, ouais. Ce matin, j'ai écrit dans un calepin. Made. À chaque semaine, je le fais comme ça. Un vrai animateur de radio. C'était le numéro 3 la semaine dernière. C'est maintenant le numéro 1 anglophone. Ça vient de son album Devil at My Heels. Du côté francophone, notre cher Alexandre Champigny avec Je vais m'hypnotiser, qu'on pourra aller voir en spectacle jeudi prochain. 1er novembre à 21h. En fait, c'est peut-être ce soir si vous écoutez la rediffusion. C'est vrai. On espère vous voir. Ben, nous autres, on va être là. On va serrer la main si vous venez nous voir. Nord-Ouest Café de Trois-Rivières le 1er novembre, 21h. Petit résumé du reste des 5 premières positions. Du côté anglophone, on retrouve The Answer avec Into the Gutter en 5e. En 4e, c'est Interpol avec No Eye and Threesome. En 3e, c'est Bitches in Tokyo, The Stars. En 2e, c'est Galactic avec What You Need. Et en 1ère, on l'a dit, c'est Steve Hill avec NASA Made. Du côté francophone, en 5e, Les Mouches de Major Bidet. En 4e, Lettre à un Cowboy de DJ Matante Frac. En 3e, on avait Les Dorothées avec Les Putes de Paris. En 2e, Tricot Machine avec Beau Temps, Mauvais Temps. Et en 1er, Alexandre Champigny avec Je m'hypnotise. Voilà, donc ça complète les palmarès. C'est bouh pour la semaine du 26 octobre au 1er novembre 2007. Moi, je vous retrouve à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo les lundis et jeudis à 11h. Dans La Chance au coureur, les vendredis matins à 10h. Les palmarès c'est fou sont en direct les vendredis soirs à 17h et en rediffusion les mercredis et jeudis en après-midi. Virginie et moi sommes de retour les vendredis soirs avec Écoutons la don, la chanson à partir de 19h30. Avec notre propre petit palmarès personnel. C'est notre palmarès à nous, on aime ça. À 20h, restez là pour Kiwan avec La Dernière Porte à Gauche. À 21h, c'est Mephisto Show avec du rock métallisé. À 23h, c'est Electrochoc. Et à 1h du matin, c'est Les Choix de Satan. Merci Virginie. Merci Mathieu. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. De la part de Virginie et de moi-même, Mathieu Plante, faites attention à vos genoux. Bonne journée et bonne chance.